Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un duel à plus de 300 km à l'heure. Au virage des décennies 80 et 90, Alain Prost et Ayrton Senna, pilotes virtuoses et compétiteurs nés, écrivent l'une des plus belles pages de l'histoire de la course automobile. Pendant 5 ans, grand prix après grand prix, le Français et le Brésilien se livrent à une bataille somptueuse qui tient le monde en haleine. Les deux pilotes offrent alors au public un spectacle comme la Formule 1 n'en avait jamais connu. Une sorte de feuilleton aux rimes vitesse, prise de risque et coup de sang. Longtemps, on a pu lire et relire dans la presse que derrière toute cette histoire reposait une haine tenace entre les deux hommes. La réalité sur ce point est beaucoup plus nuancée. Car ceux qui les connaissaient à l'époque expliquent qu'ils avaient au contraire un immense respect l'un pour l'autre, mais que leur volonté de gagner était plus forte que tout. Ces deux-là nous auront gratifié d'une rivalité comme on les aime, animant les débats de positionnement forcément manichéens. On est Prost ou Senna comme on est Borg ou McEnroe, Anquetil ou Poulidor, Beatles ou Rolling Stone. Après le récit, nous serons en ligne avec l'ancien pilote de Formule 1, Jean Alési, coéquipier d'Alain Prost chez Ferrari. Il était un témoin privilégié de toute cette affaire. Avec nous également par téléphone, le spécialiste de la F1, Pierre Van Vlier, commentateur des Grands Prix pendant près de 20 ans pour la télévision française. Il a suivi semaine après semaine ce duel sur les circuits. Enfin, avec nous en studio, notre confrère du service des sports de Radio France, Guillaume Batin, spécialiste, bonjour, du sport automobile. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrer, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Samedi 17 juin 2017, circuit des 24 heures du Mans. En ce début d'après-midi, le temps est chaud, le ciel est dégagé, la météo est idéale pour le départ de la course d'endurance la plus célèbre de la planète. Dans les stands, la tension est forte. Les ingénieurs vérifient sur leurs écrans les derniers paramètres. À quelques mètres d'eux, les mécaniciens procèdent aux ultimes réglages. De leur côté, les pilotes enfilent leurs combinaisons et se préparent, en silence. Dans moins d'une heure, ils seront au volant, sur la piste, prêts à en découdre sur un tracé redoutable de plus de 13 km. Cette année, à l'affiche des 24 heures, Porsche affronte Toyota dans la catégorie des prototypes. Pourtant, ce n'est pas vers elle que se tourne l'œil des journalistes et du public, non. Aujourd'hui, c'est un autre véhicule qui suscite l'intérêt de la grille. Devant le stand de l'équipe Vaillant Rébellion, une foule de photographes attend la voiture Oreca numéro 31. Lorsque celle-ci s'avance, on distingue sur les portières le nom et la nationalité des pilotes qui vont se relier à son volant. L'un d'eux est français, l'autre est brésilien. Le premier se nomme Prost, le second, Senna. Prost Senna, la simple évocation du nom de ces deux immenses champions, rappelle aux passionnés de course automobile une époque mythique. Celle où la guerre des nerfs et le combat pour la meilleure trajectoire faisaient rage, tant en ligne droite qu'en virage, à chaque Grand Prix de Formule 1. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si les noms des pilotes sont les mêmes, leurs prénoms, eux, ont changé. Le premier d'entre eux s'appelle Nicolas, il a 33 ans, c'est le fils d'Alain Prost. Le second, c'est Bruno, 35 ans, le neveu d'Ayrton Senna. Bien conscients qu'ils ont sur les épaules le poids d'un héritage glorieux, les deux jeunes pilotes préfèrent rester discrets. Au micro de France Bleu, Julien Canal, le troisième pilote et coéquipier de Nicolas et de Bruno, raconte la cohabitation avec ces deux grands noms de la course automobile. Je pense que ça va mettre un petit coup de pression, surtout aux 24 heures du Mans. Après, dans tout le championnat, on va être beaucoup suivi. Maintenant, c'est des pilotes que je connais très bien. Beaucoup plus Nicolas Prost. Et puis Bruno, je l'ai connu au travers de la voiture Ligier l'année dernière. On partageait la même marque, on roulait pour la même marque. Et c'est au-delà de ça, au-delà des noms, ça aurait pu être des gens avec beaucoup d'ego, avec beaucoup d'attentes et beaucoup de demandes. Mais en fait, non, pas du tout. C'est deux pilotes très très sympas et très abordables. Ce samedi 17 juin 2017, la grande horloge du circuit du Mans affiche désormais 15h. Le directeur de course abaisse le drapeau bleu en rouge. Comme le veut la procédure, les véhicules arrivent d'un tour lancé. Ils passent au ralenti sur la ligne de départ, puis ils accélèrent. Ça y est, cette fois c'est parti pour 24 heures de tension et de suspense. Comme prévu, les prototypes Porsche et Toyota sont aux avant-postes. Ils se disputent déjà la première place sous l'œil des caméras de télé. Du côté du public, les regards se tournent vers le milieu du peloton et l'Oreca numéro 31 du team Vaillant Rébellion. Avec panache, la voiture s'élance à son tour. Avec à son bord Bruno Senna, qui va se battre avec ses coéquipiers Nicolas Prost et Julien Canal pour tenter de décrocher la victoire dans leur catégorie. Assis devant leur poste de télé, ils sont des millions à suivre cette scène en direct. Et pour certains d'entre eux, ce départ en rappelle un autre. Oui, 29 ans plus tôt. Par un après-midi de printemps, lorsque Alain Prost et Ayrton Senna se livraient bataille sur l'asphalte Carioca. Rio de Janeiro, circuit de Jacarepaguá. Nous sommes le 3 avril 1988. Dans la chaleur moite de l'Amérique du Sud, les Formule 1 viennent de prendre le départ du premier Grand Prix de la saison. Dans un vacarme assourdissant, les monoplaces foncent dans la longue ligne droite de Juncan. Sur les écrans contrôle, on aperçoit en tête de la course la voiture blanche et rouge de l'écurie McLaren. Quelques minutes plus tard dans les stands, casque HF sur la tête, Ron Dennis, le tout-puissant team manager de McLaren, exulte. Il vient de recevoir les premiers chronos des temps intermédiaires et ils sont excellents. À ses côtés, les ingénieurs japonais de Honda, le motoriste de l'équipe, se félicitent. À n'en pas douter, la monoplace de l'écurie britannique balaie ici les doutes et les craintes de ces dernières semaines. Mais en Formule 1, pour remporter une course, il faut plus que de bonnes voitures. Il faut aussi mettre à leur volant des hommes d'exception. Ron Dennis le sait, pour cette saison 1988, il dispose de deux pilotes capables d'être sur la première marche du podium à chaque course. Le premier d'entre eux, c'est Alain Prost. Le Français, double champion du monde, fait figure de grandissime favori pour la saison à venir. À 33 ans, il veut aller chercher un troisième titre. Au volant de la seconde voiture, on trouve un jeune Brésilien de 28 ans, que beaucoup considèrent comme le grand espoir de la Formule 1. Ayrton Senna, c'est son nom, vient de signer chez McLaren. Et tout comme Prost, lui aussi entend bien réussir à concrétiser son rêve cette saison et obtenir son premier titre dans la catégorie reine du sport automobile. Avec Prost et Senna dans son équipe, Ron Dennis possède les deux pilotes les plus talentueux du plateau. Un tandem de choc, mais un tandem qui peut se révéler explosif. Car le Français et le Brésilien sont avant tout des compétiteurs. Leur ego et leur talent doivent donc s'apprivoiser avec diplomatie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, sur la piste du circuit de Rio de Janeiro, le duel entre les deux grands pilotes n'a pas lieu. Malgré une pole position prometteuse, Senna en effet est victime de soucis de boîte de vitesse. Il se retrouve relégué en milieu de peloton. À l'inverse, Prost fait la course en tête. Et au terme des 60 tours réglementaires, le Français s'adjuge la première victoire de la saison. Après la cérémonie du podium, face à la caméra d'Antenne 2, il réagit sur l'arrivée d'Ayrton Senna dans son équipe. Sur le plan personnel, je ne cherche pas systématiquement à avoir un coéquipier ami avec moi. J'essaye d'abord d'avoir les meilleures relations professionnelles possibles. Et puis après, si ça va bien, je pense qu'on peut devenir copain et peut-être ami, comme je l'étais par exemple avec Loda ou avec Johansson. Mais ce n'est pas le but principal, non? Il faut être honnête. Il n'est pas parano quand même, Senna. Non, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. À quelques mètres de là, Senna, justement, malgré sa contre-performance du week-end, affiche un certain enthousiasme à être le coéquipier d'un champion tel que Prost. Chacun a sa propre personnalité et sa propre façon d'organiser son travail. La question n'est pas de comparer. Je suis heureux qu'Alain soit comme il est. On va apprendre à travailler ensemble. On n'en est qu'au début. Et c'est bien de travailler avec un pilote tel que lui. Quatre semaines plus tard, au Grand Prix de Saint-Marin à Imola, pour la deuxième manche du championnat du monde, Senna l'emporte à son tour. Prost, lui, finit second. McLaren signe ainsi un superbe doublé. Et sur la piste, un constat s'impose. Personne, ni chez Ferrari, ni chez Benetton, ou encore chez Lotus, ne semble capable de rivaliser en termes de vitesse et de fiabilité. Ainsi, au fil des mois, les pôles et les victoires s'enchaînent pour l'écurie britannique. À Monaco, au Mexique, au Canada, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, presque partout, le scénario est le même. Senna et Prost sont toujours aux avant-postes et se partagent les deux premières places sur le podium. Au championnat, les deux pilotes se tiennent dans un mouchoir de poche. Ils sont désormais les seuls prétendants au titre et chacun d'eux compte bien l'emporter à la fin de la saison. Au même moment, dans le stand McLaren, Ron Dennis et ses ingénieurs découvrent le perfectionnisme, la rigueur et l'absolutisme du jeune pilote brésilien. Senna se montre en effet omnubilé par les réglages techniques de sa voiture et par les chronos de son coéquipier. À chaque séance d'essai, il veut comprendre les choix mécaniques, les choix de pneus ou encore les décisions tactiques adoptées par Prost. Et sur la piste, cette stratégie porte ses fruits. Chasseur de pôle exceptionnel, metteur au point infatigable, Ayrton Senna s'impose comme le roi des qualifications. En vieux renard des circuits, Alain Prost, lui, comprend qu'il ne peut pas lutter. Il reste donc en embuscade. Il préserve sa voiture et fait le choix de tout miser sur la course. Début août, après une nouvelle victoire du Brésilien au Grand Prix de Hongrie, le journaliste de France Inter, Pierre-Louis Castelli, fait le bilan du championnat et revient sur cette hégémonie des McLaren. 10 Grands Prix, 10 victoires, 7 doublés déjà pour cette saison. L'équipe McLaren Honda ne laisse que des miettes à ses adversaires. McLaren, qui possède actuellement les deux meilleurs pilotes au monde, est sur un nuage. Déjà, en début de saison, Ron Dennis, le manager, avouait secrètement son but. Remporter tous les Grands Prix de la saison, il a déjà rempli les deux tiers du contrat. Mais posséder les meilleures voitures, les meilleurs pilotes, être aux deux premières places du championnat du monde n'est pas facile à gérer. Ainsi, après chaque séance d'essai, Ayrton Senna et Alain Prost s'enferment-ils pendant près de deux heures pour peaufiner encore une fois les derniers réglages. Au moment où les autres pilotes se promènent dans les stands, signent des autographes, Senna et Prost font et refont des calculs. Hier, sur le circuit de Budapest, on a pensé un instant qu'à quelques tours de l'arrivée, Ron Dennis allait sortir les panneaux pour intimer l'ordre à ses deux pilotes de lever un peu les pieds. Il n'a rien fait. En bon tacticien, Ron Dennis sait que le succès chez McLaren passe par un duel entre Prost et Senna, sous le regard des ingénieurs japonais de chez Honda, imperturbables, qui eux aussi comptent les victoires. Jusque-là, la magie opère. En apparence, le duel entre Senna et Prost reste cordial. Les deux pilotes accumulent performance sur performance au profit de McLaren. Qui peut donc alors imaginer qu'en coulisses, la confiance entre les deux pilotes est déjà sévèrement entamée? Le 26 septembre, sur le circuit d'Estoril au Portugal, le monde de la Formule 1 est une nouvelle fois rendez-vous avec la vitesse et avec ses fans. Dans ce territoire lusophone, la préférence du public va bien sûr à Senna, le cousin brésilien. La veille pourtant, lors de la séance de qualification, c'est le Français Alain Prost qui a signé le meilleur temps sur la piste. Aujourd'hui, il s'installe donc en tête sur la grille de départ. Et à ses côtés, bien sûr, son meilleur rival et coéquipier, Senna. Derrière les sourires de façade, une rumeur court dans le paddock. Plusieurs journalistes affirment que rien ne va plus désormais au sein du team McLaren. Alain Prost se serait plaint à plusieurs reprises à Ron Dennis, le team manager. En cause, sa monoplace, que le Français juge moins performante que celle de son coéquipier. Prost aurait aussi accusé le motoriste Honda d'accorder un traitement de faveur à Senna pour la mise au point du moteur de la voiture. Conséquence, au Grand Prix d'Estoril, il y a de l'orage sous les casques des deux pilotes McLaren. Haute tension sur la grille de départ. Lorsque les trois feux passent au vert, Senna réagit le plus vite, il appuie à fond sur l'accélérateur. Dans un bruit strident, le moteur de sa monoplace monte à plein régime. L'accélération est brutale. 300 mètres plus loin, au bout de la ligne droite, il coiffe Prost au premier virage. Le pilote brésilien est alors en tête et il entend le rester. Mais Alain Prost, fort de son expérience, ne s'avoue pas vaincu. Il colle Senna, il tente de gagner de la vitesse à l'aspiration en se plaçant juste derrière la monoplace de son coéquipier. Les deux pilotes enchaînent ainsi les courbes et les virages, l'un derrière l'autre, dans un ballet d'équilibristes. Puis, alors qu'ils apparaissent dans la ligne droite des stands à la fin du premier tour, le public se lève pour admirer le duel. Senna est toujours devant, Prost juste derrière. Une fraction de seconde plus tard, le Français se décale sur sa droite et tente un dépassement. Dans son rétroviseur, le Brésilien le voit et se décale brusquement à son tour pour lui bloquer le passage. Les deux voitures sont désormais à la même hauteur, roue dans roue, l'une contre l'autre. La McLaren du Brésilien oblige le pilote français à flirter avec le rail. Les commentateurs retiennent leur souffle. Derrière, le reste du peloton assiste avec vertige à cette passe d'armes risquée à plus de 280 km/h. Au bout de la ligne droite, alors que la piste s'élargit, impossible de dire qui de Senna ou de Prost est devant. Au freinage, le Français prend définitivement l'avantage. Il est désormais premier et il le restera jusqu'à la fin de la course. Senna, quant à lui, finit en 7e position. À l'issue du Grand Prix, en off, à des journalistes, Prost se confie. « Je sais maintenant que Senna peut me mettre dans le mur. Ce gars est fou. Il n'a aucune limite. » Heureusement, la victoire atténue sa colère. Au micro de France Inter, Prost s'explique. C'était très chaud dans le premier virage, mais par contre dans la ligne droite au premier tour, c'est très très limite. Mais bon, je crois que tout le monde a vu. Il y a des règles en course automobile qu'on se doit de respecter, surtout dans le premier tour, je dirais. Surtout qu'on avait une consigne depuis le début de la saison, que justement on ne ferait jamais de choses comme ça. Mais ça s'arrête là, je veux dire, c'est pas la peine de polémiquer, c'est un problème qui se réglera entre lui et moi. Sur les 3 derniers Grands Prix de la saison, Prost remporte 2 victoires, Senna, une seule donc. À l'issue des 13 courses, la Fédération Internationale de l'Automobile fait les comptes. Et à ce petit jeu, c'est Ayrton Senna qui sort gagnant. La lutte fut serrée, mais pour quelques points de plus que son adversaire et coéquipier, le pilote brésilien est sacré champion du monde. Sur le podium, Alain Prost regarde cette couronne lui échapper et il espère déjà prendre sa revanche la saison suivante. En ce début de saison 1989, rien ne va plus dans le stand McLaren. Certes, la monoplace de l'écurie britannique a écrasé la concurrence aux essais privés d'avant-saison, mais l'ambiance au sein de l'équipe est proche de la rupture. Lors d'un dîner secret en Suisse, Alain Prost a rencontré les hauts cadres du motoriste Honda. Ces derniers lui ont fait comprendre que leur priorité pour 1989 était d'offrir une nouvelle fois le titre à Senna. Conséquence, le Français et son coéquipier brésilien sont désormais à la lutte au sein de leur propre équipe. Et très vite, cette querelle de famille va tourner à l'incident diplomatique. Quelques semaines plus tard, lors du Grand Prix de Saint-Marin, deuxième manche du championnat 1989, Senna propose à Prost un pacte de non-agression afin d'éviter un accident entre leurs voitures dès le départ. Dans les grandes lignes, celui des deux pilotes qui sort en tête au premier virage le restera pendant le premier tour, l'autre ne l'attaquera pas. Bon, l'initiative semble honnête, Prost accepte. Mais en course, rien ne va se passer comme prévu. Interrompu au quatrième tour suite à un accident, le Grand Prix de Saint-Marin connaît un second départ. Prost passe le premier au virage numéro 1. Persuadé que son coéquipier va s'en tenir à leur pacte durant ce nouveau premier tour, le Français laisse la porte ouverte sur la trajectoire. Or, sans hésiter, le jeune Senna s'y engouffre. Oui, il passe en force, double son coéquipier et viole ainsi le pacte de non-agression. À l'arrivée, le Brésilien finit sur la première marche du podium, le Français sur la seconde. À la remise des trophées, les deux hommes n'échangent aucun regard. Prost s'estime trahi. Senna affirme pour sa défense que le pacte était valable pour le premier départ, mais pas pour le second. Bon, une chose est sûre, ce dimanche 23 avril 1989, l'ambiance au-dessus du circuit de Saint-Marin est électrique. Les relations Senna-Prost ont pris, semble-t-il, un sérieux coup de grisou hier à l'occasion du Grand Prix d'Imola. L'année dernière déjà, les deux hommes avaient eu toutes les peines du monde à cohabiter. Les choses s'étaient dégradées progressivement et avaient failli mal se terminer lorsque Ayrton Senna avait coincé à plus de 200 km/h Alain Prost contre le mur des stands au départ du Grand Prix du Portugal. En fait, il est très rare de voir deux pilotes de top niveau au sein d'une même écurie s'entendre et collaborer sans accroc. Les exemples de discorde ne manquent pas, avec Rothman et Alan Jones, Villeneuve et Pironi, Prost et Arnoux, Mansell et Piquet. Dans le cas de McLaren, le fait de dominer sans partage la Formule 1, d'être la cible privilégiée des médias, d'être les stars incontestées du milieu, n'a pas contribué à détendre l'atmosphère. Ayrton Senna, garçon très doué mais aussi pointilleux, méfiant, suspicieux, obsédé par la victoire, n'est pas non plus facile à vivre. Bref, il faut s'attendre à une saison houleuse entre les deux hommes, en souhaitant qu'ils ne se déclarent pas la guerre à 250 km/h dans une ligne droite. Imola, Patrick Drivas, France Inter. Au fil de la saison 89, le stand de l'écurie McLaren se retrouve coupé en deux. D'un côté, les ingénieurs et mécaniciens de Prost, de l'autre, ceux de Senna. Pour résoudre cette crise qui fait déjà les gros titres de la presse britannique, le team manager Ron Dennis profite d'une session d'essais privés à Pembrey aux États-Unis pour remettre les choses à plat. Il convoque ses deux pilotes, Senna et Prost. Il exige que le Brésilien s'excuse pour avoir violé le pacte de non-agression d'Imola. En pleurs, dit-on, Ayrton Senna demande pardon à Alain Prost. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que, quelques jours plus tard, coup de théâtre, Le journal L'Équipe publie un article dans lequel on peut lire les coulisses de cet échange à Pembrey. Le grand public découvre alors la tension, les tractations et l'ambiance nauséabonde qui règne chez McLaren. Se basant sur des déclarations que lui a faites Alain Prost, le journaliste du quotidien sportif Johnny Rives met en lumière la stratégie de l'écurie pour tenter de sauver la saison. Prost refuse de commenter. Le pilote français affirme qu'il s'agissait de propos off the record. Rives était son ami. Mais oui, mais le mal est fait. Chez McLaren, Ron Dennis a l'impression qu'on l'a poignardé dans le dos. Pour de nombreux observateurs, il ne fait désormais plus aucun doute que le divorce entre Prost et son équipe est imminent. À la mi-juillet, le pilote français, alors leader du championnat, annonce qu'il quittera McLaren en fin de saison pour rejoindre la Scuderia Ferrari. C'est dans ce contexte d'extrême tension que se déroule le Grand Prix de Suzuka avant dernière course de la saison au mois d'octobre. Pour conserver son titre de champion du monde, Senna doit impérativement gagner ici au Japon. Car au classement, Prost a toujours l'avantage. Après un début de course sans panache, les choses vont brutalement dégénérer sur le circuit. Au 46e tour, le pilote brésilien talonne le français. Les deux McLaren jouent au funambule sur la piste. Elles se frôlent, elles sont l'une à côté de l'autre. Et alors qu'elles abordent la dernière chicane, Senna est dans la roue de Prost. Au freinage, le pilote français tente de conserver sa trajectoire et se jette dans le virage. Mais Senna arrive beaucoup trop vite. La collision entre les deux monoplaces est inévitable. Prost sort de la piste et abandonne sur le coup. Senna, lui, part dans le gravier. Mais grâce à l'aide des commissaires de piste, il réussit à revenir et il finit la course en tête. Alors que tout laisse à penser que les choses vont se tasser, dans la soirée, les responsables de la Fédération Internationale de l'Automobile annoncent par communiqué que Senna est responsable de son accident avec Prost. Le Brésilien est donc disqualifié, ce qui assure Prost de récupérer le titre de champion du monde. Dans les stands, la polémique grandit. Senna accuse la Fédération et son président Jean-Marie Balestre d'avoir voulu favoriser un compatriote à son détriment. Le Brésilien menace de porter plainte en justice. Peine perdue, ce nouvel épisode traduit toute la nervosité et la rivalité entre les deux frères ennemis de McLaren. De leur côté, les commentateurs font le bilan. 1988 fut l'année de la gloire de Senna au prix de manœuvres et de dépassements parfois dangereux. 1989 fut celle du retour triomphal de Prost au prix de plusieurs polémiques et d'un accrochage sérieux. Alors, que nous réservera 1990 ? Prost et Senna parviendront-ils à faire la paix ? Et qui sera le prochain champion du monde de Formule 1? Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. Flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still Je ferai tout pour gagner dimanche. La phrase est de Senna. Je ferai tout pour gagner dimanche. La phrase est aussi de Prost. Le pilote brésilien veut faire taire les polémiques et montrer qu'il reste le plus rapide. Le français veut prouver qu'il mérite amplement son troisième titre de champion du monde. Pour l'instant, avantage à Prost. Quant à l'ambiance, toujours électrique sur les circuits. Il y a maintenant deux clans, les pro-Senna et les pro-Prost. Au début de l'année 1990, avant même le début de la saison, la Formule 1 affiche déjà en une de la presse et des magazines du monde entier un certain malaise. À chaque fois, les titres sont évocateurs, comme l'attestent ceux-là. Senna peut-il prendre sa revanche sur Prost pour l'équipe ? Prost-Senna, jusqu'où les conduira leur haine ? Scande un tabloïd britannique. Bagarre à venir entre les deux meilleurs pilotes de leur génération, s'inquiète de son côté un hebdomadaire allemand. En tout cas, depuis le psychodrame et la collision lors du Grand Prix de Suzuka au Japon la saison passée, l'opinion s'est prise de passion pour le duel que se livrent le Brésilien et le Français sur les circuits. Longtemps réservé à un public de passionnés, la Formule 1 s'affiche désormais comme un spectacle grand public, une sorte de feuilleton télévisuel dans lequel, une fois par mois, deux combattants enfilent leur combinaison, descendent sur la piste et prennent place à bord de leur monoplace pour une confrontation à plus de 300 km/h. Cette année pourtant, les choses ont changé. Prost pilote désormais une Ferrari. Senna, lui, est toujours chez McLaren. L'un et l'autre ont à leur côté des coéquipiers ambitieux. L'anglais Mansell pour Prost, l'autrichien Berger pour Senna. Pourtant, dès le premier Grand Prix, celui des États-Unis, Senna imprime sa marque et montre qu'il est bien décidé à récupérer son titre. 15 jours plus tard, au Brésil, Prost lui rend coup sur coup et s'empare de la première place. S'ensuit une saison plus ouverte à la concurrence, mais une saison où Prost et Senna dominent et s'affrontent à distance avec comme objectif le titre de champion du monde. À la fin de l'été, lors du Grand Prix d'Italie à Monza, un journaliste du quotidien italien La Repubblica tente de réconcilier les deux pilotes. Entre le français et le brésilien, l'échange tourne court. Les deux hommes s'accusent réciproquement d'être de mauvaise foi. Fin octobre, pour l'avant-dernier rendez-vous de la saison de Formule 1 au Japon, Senna est en tête du classement des pilotes devant Prost. Avec 6 victoires contre 5 en championnat, on pourrait penser que le pilote brésilien aborde sereinement ce Grand Prix, qu'il va tenter de gérer son avance et éviter tout risque d'accrochage, que ce soit avec Prost ou les autres. C'est bien mal connaître l'enfant de Sao Paulo. Roi de la pole et maître des lieux lorsqu'il s'agit de défier le chronomètre, le Brésilien s'adjuge une nouvelle fois la première position sur la grille de départ de Suzuka. Et Prost est deuxième. Mais le Français possède un avantage sur son adversaire direct. Il partira sur la partie propre de la piste, celle sur laquelle il est plus facile d'accélérer. Après l'accrochage entre les deux hommes, ici même, l'an passé, certains commentateurs sont inquiets. Mais cette année, c'est au départ que tout va se jouer. Sur l'image de la caméra, on voit la McLaren de Senna. Sur la gauche, la Ferrari rouge de Prost, elle, est sur la droite. Lorsque le feu passe au vert, les Formule 1 font hurler leur moteur et s'arrachent du sol. En une poignée de secondes, les monoplaces atteignent 200 km/h. 600 mètres plus loin, elles sont déjà au premier virage. À ce moment précis, la voiture de Prost est devant, elle mène la course. Le Français s'apprête à se rabattre pour tourner lorsque soudain Senna surgit sur sa droite. Le Brésilien se place entre le virage et la voiture de Prost. Il ne freine pas, autrement dit, rien ne peut empêcher la collision. Et dans un panache de fumée, les deux voitures se télescopent et partent en tête à queue dans le bac à sable. Sur la vidéo, la scène est spectaculaire. Fort heureusement, les deux pilotes s'en sortent indemnes. La course continue, bien sûr. Et c'est un autre Brésilien, Nelson Piquet, qui remporte l'épreuve dans l'indifférent général. Interviewé sur France Inter, Alain Prost revient, lui, sur sa sortie de piste. Il a toujours été très dur. En 88, 89, il y a eu des moments où il a vraiment, je dirais, forcé un peu le passage, où il comptait peut-être un petit peu sur ma gentillesse, le fait qu'on était équipiers. Mais ça, c'est, à la limite, je dirais que c'est presque de bonne guerre. C'était presque de ma faute plutôt que de la sienne. Mais là, je pouvais pas imaginer. Je crois qu'aujourd'hui, surtout, il a montré son vrai visage. Aujourd'hui, on a vu qu'il était prêt à prendre des risques énormes, même pour lui, pour gagner un championnat. Donc, s'il veut gagner un championnat de cette manière-là, en prenant des risques, même pour lui, je crois que malheureusement, moi-même, je suis pas prêt du tout à rivaliser avec lui de ce côté-là. Faute d'avoir pu marquer le moindre point à Suzuka, le pilote français voit le titre lui échapper. Senna est donc sacré champion du monde pour la deuxième fois. Et cette fois, sans la moindre gloire et sous le feu des critiques, car pour beaucoup dans le paddock, il ne fait aucun doute que le Brésilien a volontairement voulu sortir Prost de la piste, quitte à le tuer ou l'accidenter gravement. Un geste inadmissible qui lui attire les foudres de la Fédération internationale de l'automobile. Toujours est-il qu'après 3 ans de duel au sommet, Senna mène face à Prost par 2-1. La presse continue d'attiser le spectre d'une revanche pour l'année suivante. Le public, lui, en redemande. La saison 91 n'est pourtant pas à la hauteur des attentes. Si Senna réalise un début de saison parfait avec 4 pôles et 4 victoires sur les 4 premières courses, Prost souffre du manque de fiabilité et de performance de sa Ferrari. Le Français, désormais associé à son jeune compatriote et espoir Jean Alési, n'est pas en mesure de lutter contre la surpuissance de McLaren et de son éternel rival. La saison semble donc acquise à Senna, et seul l'écurie Williams-Renault et son pilote Nigel Mansell semblent en mesure de lui barrer la route pour un 3e titre mondial. À l'issue des 16 courses, Senna remporte le championnat. Prost finit 5e au général, loin derrière, la faute à une voiture qu'il qualifiera lui-même de camion incontrôlable. À Maranello, siège de la Scuderia, cette critique en public va conduire au renvoi du pilote français. Sans volant pour la saison 92, Alain Prost choisit de prendre une année sabbatique pour se consacrer à d'autres projets. Interrogé sur France Inter, le skipper Loïc Perron, connaisseur, revient sur la dimension qu'a pris la Formule 1 ces dernières années, en grande partie à cause du duel entre Prost et Senna. Vous savez, un bateau comme le mien ou comme celui de Poupon, n'importe qui rentre exprès dans un autre au moment d'un départ, c'est très rare, ça n'est jamais arrivé et heureusement ça n'arrivera pas. C'est pas encore rollerball et c'est bien dommage pour la Formule 1. Moi ça chagrine beaucoup parce que je suis vraiment passionné de voitures, mais les comportements humains l'emportent sur le sport et c'est vraiment dommage pour tous les fans de voitures, les jeunes qui aimeraient être pilotes. Je suis un admiratif inconditionnel de Prost, de Senna et d'autres d'ailleurs, de tous les gens qui font ça parce qu'il y en a peu sur la planète qui sont capables d'aller aussi vite et aussi propre qu'eux, mais apparemment les intérêts, ils le disent eux-mêmes, sont tellement énormes. Les intérêts financiers sont tellement énormes que ça l'emporte un peu sur la chaleur humaine. Pour 1992, Senna est donc seul en piste, sans Prost. Mais le Brésilien doit faire face cette saison à la rude concurrence des Williams-Renault et d'un Nigel Mansell déchaîné. Un homme capable de prendre sur la piste autant, si ce n'est plus de risques que lui. Côté mécanique, la McLaren, voiture jusque-là imbattable depuis 4 ans, a perdu de sa superbe. Handicapé par de graves soucis de boîte de vitesse et des problèmes de fiabilité, Senna se retrouve à jouer les arbitres et fait face à l'ambition féroce d'un autre jeune talent, l'Allemand Schumacher, sur Benetton. Ayrton Senna ne peut lutter à armes égales et voit le titre 92 lui échapper au profit de l'Anglais Mansell. ...1993 marque le retour aux affaires d'Alain Prost. Pilote titulaire chez Williams-Renault, le Français part cette année en grand favori avec la voiture la plus aboutie du plateau. Après bien des tergiversations, Senna signe de nouveau chez McLaren pour une saison supplémentaire, malgré les faiblesses de sa monoplace. Et le duel reprend entre Prost et Senna. Lors du 2e Grand Prix de la saison dans son pays, le Brésilien signe une superbe victoire. Prost, lui, doit abandonner. La suite de la saison tourne nettement à l'avantage du Français qui va gagner 4 Grands Prix de suite. Au championnat, Prost est largement en tête, mais la compétition entre les deux hommes continue, comme l'explique le journaliste de France Inter Patrick Rivaz à l'issue du Grand Prix du Japon. Elle était un peu triste, cette passation de pouvoir entre Ayrton Senna et Alain Prost. Non pas parce que le Brésilien a gagné le Grand Prix du Japon, il mérite amplement sa victoire, non pas parce que le Français termine deuxième, il a fait une belle course, mais tout simplement parce que décidément ces deux grands champions n'arrivent pas à se réconcilier. Pendant 9 saisons, ces deux hommes ont rivalisé d'adresse et de virtuosité. Ils ont à tour de rôle signé des exploits mémorables, ont obtenu à eux deux 7 titres de champion du monde et totalisé 91 victoires. Bien sûr, ceci explique cela, il n'y avait peut-être pas assez de place pour deux crocodiles. Mais enfin, maintenant que Prost est au crépuscule de sa carrière, qu'il va laisser à Senna en 94 son volant chez Williams-Renault et le champ libre pour qu'il étoffe son palmarès, il était peut-être temps d'enterrer la hache de guerre. Pourtant, 4 semaines plus tard, à Adélaïde, lors du Grand Prix d'Australie, dernière manche du championnat, le monde de la Formule 1 va vivre un coup de théâtre. Sur le dernier podium qu'ils partagent ensemble, Alain Prost et Ayrton Senna se serrent la main, oui, et échangent un sourire. Témoin médusé de la scène, le pilote britannique Damon Hill, qui a fini 3e de la course, affirmera plus tard qu'il pensait être en train de rêver lorsqu'il a vu l'accolade entre les deux pilotes, tant cette scène lui paraissait improbable. À la télé, nombreux sont les journalistes qui sont surpris par cette image tout en symbole. Pour eux, elle traduit l'immense respect que les deux champions se vouaient en secret durant toutes ces années. Nombreux sont ceux qui pensaient qu'il s'agissait de haine, mais non. Au contraire, Senna admirait Prost pour son talent et sa rigueur sur les circuits. Prost, lui, était intrigué par la passion et l'opportunisme de Senna sur la piste. Pour chacun, la motivation, c'était de battre l'autre. Désormais, avec la retraite de Prost, Senna comprend qu'il perd à la fois son meilleur ennemi, mais surtout le pilote qui lui donnait une raison de vouloir se battre tour après tour contre le chronomètre. La fin de cette saison 1993 marque donc le quatrième et dernier titre de champion d'Alain Prost en Formule 1. 1993 marque aussi la fin du duel entre deux des plus grands champions de toute l'histoire du sport automobile. La fin d'une époque glorieuse où on se levait en pleine nuit pour allumer sa télé et suivre en direct le combat épique de deux gladiateurs à moteur, Alain Prost et Ayrton Senna. 6 mois plus tard, au mois de mai 1994, lors du Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit d'Imola, Ayrton Senna, désormais seul sur la piste, se fendra même d'un petit commentaire pour son ancien coéquipier Alain Prost pendant les essais libres. Une déclaration qui en dit long sur leur nouvelle relation. Alors toujours en direct d'Imola avec nous Alain Prost. Alain, c'est sympa ce petit message d'Ayrton à votre égard. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là, on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que, comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais. Quarante-huit heures plus tard, cette amitié va se briser. Durant les premiers tours de la course, le pilote brésilien sort violemment de la piste au volant de sa Williams. Senna est grièvement blessé. Alain Prost assiste à la scène en direct depuis la tribune de presse. Le Français est sous le choc. Quelques heures plus tard, en effet, sur les radios du monde entier, la terrible nouvelle tombe, insupportable. Senna est mort. Ce jour-là, la Formule 1 ne perd pas seulement l'un de ses plus grands pilotes, elle tire aussi un trait sur l'amitié retrouvée entre deux hommes qui ont écrit mieux que tous les autres sa légende. Tu vois revenir de l'enfer, ne t'apporte rien. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la rivalité Prost-Senna avec trois invités en ligne de Genève. Jean Alési, coéquipier d'Alain Prost chez Ferrari. Évidemment, témoin privilégié de toute cette affaire. Bonjour Jean Alési, vous m'entendez bien? Vous m'entendez Jean Alési? Bien, on va passer à notre deuxième invité, Pierre Van Vlier, commentateur des Grands Prix pendant près de 20 ans pour la télé française. Vous avez suivi semaine après semaine ce duel Prost-Senna sur les circuits. Est-ce que vous m'entendez? Absolument, très bien. Ah, ça fait au moins un, c'est bien. Et Guillaume Batin qui est avec nous, alors vous m'entendez bien. Heureusement, je suis à côté de vous Fabrice, bonjour. On va rester du côté de Genève. Jean, allez-y, m'entendez-vous? Oui, bonjour. Ah bonjour, ça va, nous avons rétabli la communication. J'espère que vous avez pu entendre ce récit qui a dû vous rappeler quand même des sacrés souvenirs. Quelle était l'ambiance sur le circuit, autour du circuit, dans les tribunes, du côté mécanique, du côté des pilotes, pendant cette période où c'était vraiment deux pilotes qui occupaient tout le terrain, hein, où ils vous laissaient pas beaucoup de place finalement. Comment vous l'avez vécu? Mais écoutez, honnêtement, c'était une époque qui était fantastique. Alors évidemment, de l'extérieur, on voyait différemment les choses par rapport à ce que nous, on pouvait voir de l'intérieur. Ah oui. Donc, moi, j'étais un privilégié dans le sens où, étant ami d'Alain Prost et coéquipier en 91, j'ai passé des moments fantastiques. Et vous fréquentiez, j'imagine, également Ayrton Senna. Enfin, c'était pas interdit de le fréquenter, j'imagine, même si vous étiez ami d'Alain Prost. Comment était ce garçon, Ayrton Senna? Alors, évidemment, non, c'était pas interdit de le côtoyer, bien au contraire. Bon, c'était quelqu'un qui était déjà assez fermé. Il avait son petit clan familial, hein, puisqu'il venait sur le circuit avec sa sœur, son père, sa mère. Un manager qui avait un rôle aussi très important dans sa carrière de pilote, surtout au début. Donc c'était quelqu'un qui vivait, je dirais, seulement la course automobile, par rapport à un Alain Prost qui lui, avait quand même profité de la vie, profité du fait que sa passion, c'était bien sûr la course automobile, mais en même temps, il avait des moments un petit peu plus détendus que ce que pouvait avoir Ayrton. Mmh. Et comment Alain Prost vous parlait-il d'Ayrton Senna, si tant est que vous puissiez faire des confidences? Alors justement, il n'en parlait jamais. Ah. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, Alain n'était pas du tout perturbé par le fait d'avoir Ayrton Senna comme compétiteur numéro 1, hein, puisque c'était à l'époque le binôme qui se jouait les courses et les championnats pratiquement chaque fois. Lui, il était seulement un grand professionnel qui préparait dans le détail tout. Hein, ça partait de sa préparation physique où il était franchement très impressionnant. Hein. Il faut se rappeler des arrivées de Ayrton Senna où il fallait le sortir de la voiture tellement qu'il était épuisé. J'ai jamais vu Alain dans un état comme ça. Et puis bien sûr la préparation de la course, puisqu'on avait des voitures qui étaient très très très difficiles à emmener. Pierre Van Vlier, alors on l'a dit dans le récit, hein, le choix de Ron Dennis, le team manager de McLaren, d'engager Senna aux côtés de Prost était bon sur le plan tactique, puisque l'objectif était ainsi de gagner toutes les courses, c'était pas mal vu, à ceci près qu'on ne met pas deux lions dans une même cage. Oui, c'est vrai que c'était un choix osé, ambitieux de la part de Ron Dennis, mais il ne manquait pas d'ambition à l'époque, et avec McLaren et Honda, le fait que Honda devenait le partenaire motoriste de McLaren, Honda était déjà aux côtés d'Ayrton Senna l'année précédente chez Lotus, et donc l'opportunité s'est présentée de réunir Alain Prost et Ayrton Senna, et Alain lui-même a encouragé d'ailleurs Ron Dennis a engagé le Brésilien. Il était prêt à un affrontement en espérant que ce soit à la loyale, ce qui n'a pas toujours été le cas par la suite. Alors, justement, ça n'a pas été le cas par la suite. Qui était déloyal ou l'un plus que l'autre? Dites-moi très, très sincèrement. Écoutez, moi je crois qu'il y avait surtout une rivalité absolument exacerbée. Le fait de se retrouver dans une écurie qui dominait la F1 outrageusement faisait effectivement que toutes les courses ne concernaient que deux, un peu comme Lewis Hamilton et Nico Rosberg la saison dernière. Et du coup, leur rivalité était, voilà, était encore plus mise en exergue. Ça a provoqué aussi un véritable nivellement par le haut entre eux. Et donc, ils se sont vraiment isolés au sommet de la planète F1. Le pilote qui se classait troisième, parfois terminait un tour dans l'anonymat le plus complet. Il n'y avait que leur affrontement qui comptait. Et dans ce contexte-là, ce sont des compétiteurs. Et donc, à un certain moment, tous les coups étaient permis de façon parfois un peu instinctive de la part de Ayrton Senna, de façon parfois un peu plus calculée de la part d'Alain Prost. Mais je dirais que c'était grosso modo à 50-50 pour ce qui est des responsabilités. À travers vos mots, j'entends quand même que l'un avait un comportement, on va dire, un peu plus responsable que l'autre, non ? Mais disons qu'Alain était peut-être un peu plus expérimenté, un peu plus mûr, et n'est donc pas toujours tombé dans le panneau que lui tendait, dans le piège que lui tendait Ayrton. Mais bon, il y a eu un moment, ça n'a pas duré très longtemps, hein, au bout de la première année, ben, on avait déjà des problèmes, notamment ce dépassement à Estoril dans la ligne droite. Et dès le début de la saison 89, on a bien compris que le combat serait sanglant et que voilà, ça allait laisser des traces. Et dès le milieu de l'été, eh bien, Alain avait décidé de partir et d'aller chez Ferrari. Alors qu'Alain était chez McLaren comme chez lui, il y était depuis 6 ans, il considérait ça comme sa famille. Mais voilà, Senna avait occupé sa place et était en train de le détrôner. Jean Lézy, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y en a un qui aurait été plus loyal que l'autre dans les deux ? Parce qu'il y a quand même eu deux accrochages importants. Hein. Oui, alors Pierre a bien expliqué, d'ailleurs que je salue, qui est un journaliste que j'adore et qui est devenu un ami. Merci donc, Jean. En fait, merci. Mais en fait, disons, pour schématiser un petit peu, Alain avait certaines limites que Ayrton n'avait pas. Si on revient aux deux accrochages, justement, les plus importants dans leur carrière, Ayrton à Suzuka a percuté Alain à une vitesse au-dessus de 250 km/h, alors qu'Alain, quand il s'est accroché avec Ayrton, c'était entre 120 et 80 km/h. Vous voyez ? Donc il y avait des choses que Alain savait faire avec, disons, plus de métier, mais en même temps avec une certaine façon de un certain respect. Ayrton, je pense qu'il y avait des moments où il pouvait complètement me déconnecter et respecter plus personne. Et notamment lui-même, parce que il faut savoir que les époques qu'on est en train de parler, et bon, malheureusement, Ayrton n'est plus ici aujourd'hui, mais on avait des voitures qui étaient dangereuses. Hein. Je pense pas que Alain, quand il s'est accroché avec Ayrton, délibérément ait fait ce geste, alors que Ayrton, oui. Guillaume Batin, donc vous êtes à nos côtés. Alors je suis allé voir hier, figurez-vous, le film Borg McEnroe. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a un vrai parallèle, hein, parce que ça a été peut-être les deux qui ont écrit les plus belles histoires de rivalité en tennis. Et on avait l'impression qu'ils se détestaient. Et le film nous montre, au contraire, ils s'aimaient pas beaucoup au début, mais après ils se respectaient. Ils sont même devenus amis. Par chance, il n'y a pas un des deux qui est mort. Là, pour le coup, ils ont pu d'ailleurs vivre cette amitié plus longtemps. Mais la presse, évidemment, parce que c'est spectaculaire et puis parce que ça nous excite. Tout, ça excite le public, il y en ait un contre l'autre ou un qui soit le contraire de l'autre. Est-ce que la presse a joué le rôle de remue-passion dans cette histoire-là ? Évidemment, mais il n'y a pas d'hyper-médiatisation à mon avis s'il n'y a pas de grande histoire. Et là, il y a une super grande histoire. Ben oui. Ils y sont tous les deux pour quelque chose avec cette fin d'histoire, la mort d'Ayrton Senna, ce petit message dans le casque, cette poignée de main. On a presque l'impression qu'ils ont écrit le scénario ensemble. C'est oui. Un super polar à chaque page, à chaque chapitre de l'histoire de ces 5 ans de duel, de bagarre jusqu'au bout. on est tenu en haleine. Moi, j'étais pas journaliste à l'époque, j'étais un jeune gamin, je me levais la nuit. Vous citiez ces gens qui se levaient la nuit pour voir les Grands Prix à l'autre bout du monde, au grand étonnement de mon père. Mais je vibrais à chaque fois et je me doutais qu'il allait se passer quelque chose en pleine nuit, comme ça, dans le salon de mes parents, devant la télé. Donc, on leur doit beaucoup à eux cette hyper-médiatisation. Ce sont eux les personnages principaux et ils en jouaient certainement aussi un petit peu. Et puis, il y a aussi le fait, sans doute, alors je sais pas dans quel sens c'est arrivé, le fou la poule. Est-ce que c'est Sénat Prost qui a attiré la télévision ou est-ce que c'est la télévision qui a décidé de venir s'intéresser davantage à la Formule 1? Mais ça correspond aussi à un moment où les chaînes européennes et du monde entier qui diffusent beaucoup les Grands Prix de Formule 1 tous les mois, mais s'intéressent davantage à la Formule 1. Ça devient un spectacle, autant que la Coupe du Monde de football ou que les Jeux Olympiques. Ces deux acteurs-là sont évidemment ce qui intéresse les gens et ce qui fait réveiller les gens en pleine nuit. Mais voilà, il y a tout un tas de points qui se coordonnent, qui font que la Formule 1 et ce spectacle-là devient un truc énorme, un buzz énorme. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais vous imaginez quelle ampleur ça aurait pris. Et puis, il y a aussi une communication qui est peut-être plus maîtrisée aujourd'hui. Il y avait davantage de relations de proximité, Pierre Van de Vliet pourra sans doute le confirmer, entre les pilotes et les journalistes. Parce que nous, on aime bien raconter ce qui se passe sur le terrain d'un match de foot. On le verra ce soir avec l'Italie, ce sera passionnant. Aussi sur un Grand Prix, mais c'est les histoires d'hommes qui nous passionnent. C'est ça aussi qui est très intéressant. Et ça fait exactement pareil, j'en reviens au tennis, les années 80, où étaient les années brillantes du tennis, c'est devenu un vrai spectacle, y compris l'endroit où il fallait être et se montrer d'ailleurs, parce qu'il y avait des grands acteurs, les Connors, Borg, McEnroe, Noah, étaient des gens qui écrivaient aussi une histoire. Jean, allez-y, vous êtes d'accord avec ça? À quel point alors pour la Formule 1, pour le coup, les pilotes sont importants dans leur personnalité, leur façon d'écrire aussi l'histoire d'un sport? Ah ben complètement, on est en train de le vivre cette année avec Verstappen. Le Grand Prix de Spa qui a tout le temps existé, au moins depuis que du coup on va au Grand Prix à Spa, depuis que Max est pilote et qu'il est évidemment aux avant-postes, on ne peut plus approcher du circuit. Enfin, disons qu'ils sont sold out et le vendredi, le samedi, le dimanche. Et heureusement que l'aspect humain dans un sport mécanique reste et il devient fondamental. Pierre Van de Vliet, est-ce que l'ombre glorieuse des Senna et Prost est encore, se fait sentir sur les circuits au niveau des pilotes d'aujourd'hui? Ça reste des modèles? Oui, ça reste des références, bien sûr. D'abord, Alain est toujours là, bien sûr. Il est très actif, avec l'écurie Renault. Et puis, Ayrton Senna, c'est quand même la référence. Alors, il y a pas mal de pilotes de la génération actuelle qui étaient même nés quand Senna s'est tué. Mais on sait que, voilà, dans l'inconscient collectif, il reste une sorte de légende, de dieu. Il y a une forme de mystique autour de son personnage. Il faut dire qu'il avait une personnalité très particulière. Il avait un charisme énorme et que ça a marqué tous les observateurs. Bien sûr, ce sera le mot de la fin. Merci Pierre Van de Vliet, merci Guillaume Batin à mes côtés et merci Jean Alési qui nous appelait de Genève. Merci à tous les trois. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le duel Prost-Senna, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'intervention militaire de la France au Mali.